Chapitre 59e. L'abandon. À l'époque, Lotte occupait une petite chambre de bonne tout à côté du Luxembourg. Ce n'était vraiment pas grand, mais vous ne pouvez pas savoir combien je l'enviais. Elle était constamment au jardin, et c'est ainsi qu'au fil du temps, elle a fini par repérer Josette Rosay et surtout les enfants dont elle avait la charge. Lotte a tout de suite compris qu'ils étaient orphelins. Mais ils ne semblaient pas malheureux du tout. Ils étaient habillés convenablement et se tenaient bien, sans soumission aucune. Il y avait bien quelques réprimandes, mais ils étaient toujours en rapport avec la situation. Quand il est apparu que je ne pourrais pas garder Marie, l'hôtesse s'est livrée très discrètement à une véritable enquête sur l'institution Saint-Vincent-de-Paul. Elle voulait absolument tout savoir et surtout, elle voulait comprendre par quel biais les enfants atterrissaient là. Ne me demandez pas comment elle a réussi ce tour de force, car elle a toujours refusé de me répondre. Mais il n'en demeure pas moins que, grâce à elle, l'abandon s'est passé le moins mal possible. Quand avez-vous su qu'il vous serait impossible de garder Marie? Très vite, trop vite. Malheureusement, car Olaf ne voulait pas de ce fardeau. Il m'a poussé à me faire avorter, mais ça, je ne pouvais pas m'y résoudre. J'aurais dû prendre en charge tous les frais, et je n'avais pas l'argent nécessaire. J'avais tellement honte. Je vivais dans la terreur que mon géniteur l'apprenne. La moindre indiscrétion m'aurait perdu. Est-ce que Marie a pu voir son père? Oui, une fois, elle avait 3 ans et demi. Olaf était de passage à Paris. Je n'ai toujours pas compris pourquoi il tenait tant à me voir, puisque notre histoire, si toutefois on peut l'appeler comme cela, était terminée depuis longtemps. Voulait-il voir Marie? Sans doute. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il est arrivé avec un ours en peluche prénommé Teddy, sans doute acheté dans une boutique d'aéroport. Je n'oublierai jamais comment les yeux de Marie se sont illuminés quand elle l'a vu. Elle s'est précipitée vers Olaf de toute la force de ses petites jambes et, contre toute attente, celui-ci l'a prise dans ses bras. Ce fut peut-être l'unique fois où je l'ai vu non seulement profondément heureux, mais également très ému, car Marie, avec son innocence d'enfant, l'acceptait tel qu'il était. Je me suis alors félicité de ma décision. J'ai su que j'avais eu raison de laisser Marie grandir dans mon ventre, que contrairement à ce que m'avait seriné Olaf, ce n'était pas une folie. Bien évidemment, Marie n'a pas tardé à demander qui était le gentil monsieur qui faisait un si beau cadeau. J'ai laissé à Olaf le soin de répondre. J'ai bien fait, car j'ai reçu là la plus belle des récompenses. Olaf a répondu sans détour, « Je suis ton papa. » Marie l'a regardé, émerveillée, et a répondu, « Comme tu es grand. » Ensuite, je l'ai envoyé se coucher car il était tard. Puis nous sommes allés discuter dans le salon. Cette fois, nous ne nous sommes pas disputés. De toute façon, à quoi cela aurait-il servi? Olaf m'a dit qu'il trouvait Marie très mignonne et que, tout bien réfléchi, j'avais eu raison de la garder. À ce moment-là, il était sincère. Cela ne me l'a pas rendu pour autant, mais je m'en moquais complètement. Il était profondément désolé de ne pas pouvoir m'aider. Nous avons dîné très simplement, puis il est parti. J'étais contente de l'avoir revu. Il s'est comporté très correctement. À aucun moment il n'a tenté de me toucher. J'ai alors compris que le but de sa visite était véritablement Marie. J'étais soulagé de voir que tout était bien fini entre nous, qu'il n'y avait aucun ressentiment de part et d'autre. Nous ne nous sommes jamais revus. J'ai eu de ses nouvelles car le monde du pétrole n'est pas très grand. J'ai ainsi appris qu'il avait dû précipitamment quitter l'Iran et rentrer en Suède, dont il n'est plus guère sorti depuis. Vous ne vous êtes jamais écrit? Il lui était pourtant possible de trouver votre adresse. Pourquoi faire? Nous savions tous les deux que notre histoire n'avait pas lieu de se poursuivre. Voyez-vous, nous ne nous sommes pas mentis. Nous savions tous deux que c'était inutile. Il n'a donc jamais appris l'abandon de Marie? Non. J'ai pensé que c'était mieux ainsi. Vous comprenez, monsieur le commissaire, malgré tout ce qu'il a pu me faire, je pense que cela l'aurait profondément blessé. Je sais qu'à sa façon, il aimait Marie. Il en était fier. Je n'ai pas eu à le forcer pour qu'il la prenne dans ses bras. C'est un geste spontané, dénué de tout calcul. C'est sans doute pour cela que Marie n'a pas eu peur et qu'elle s'est laissée faire. D'instinct, elle a su qu'elle pouvait lui faire confiance. Quand il est parti, j'ai bien senti qu'il avait du remords. Il savait qu'il laissait derrière lui une ravissante petite fille et c'était un déchirement. Je n'ai pas eu le cœur de l'accabler davantage. À quoi cela aurait-il servi? Il savait trop bien combien il était lâche et qu'il était incapable d'assumer ses actes. Qu'est-ce qui vous a poussé à précipiter les choses pour Marie ? Il y avait cette fille, Nanou. Je ne suis jamais parvenu à avoir confiance en elle. D'abord, elle était très jeune. Ensuite, malgré tout l'argent que je lui donnais, elle se montrait de plus en plus curieuse. Je pense qu'elle avait flairé la bonne histoire. Sentant qu'elle risquait de me trahir un jour ou l'autre, j'ai préféré prendre les devants. Le temps venu, j'ai demandé à Lotte de prendre un jour de congé pour en quelque sorte superviser les opérations. Gomarman m'avait un jour proposé de le suivre en Afrique, car il avait besoin d'une assistante. Je l'ai discrètement contacté pour lui demander si son offre tenait toujours. Il m'a répondu par l'affirmative et j'ai donné mon congé pour la maison. J'ai réservé un billet dans le premier avion en partance pour le Gabon. Ensuite, il m'a suffi de réveiller Nanou à 3 heures du matin et de lui dire qu'elle avait 2 heures pour faire ses valises et déposer Marie au Luxembourg. La brutalité de ma décision l'a empêchée de discuter quoi que ce soit. Elle s'est exécutée. Un voisin que je connaissais vaguement a conduit Marie et Nanou à la gare. Elle devait prendre le train de 6h37 en direction de Saint-Lazare, puis prendre le bus numéro 21 qui les conduirait au jardin du Luxembourg. Je dois dire qu'à mon grand soulagement, Nanou m'a obéi en tout point, mais, pour plus de sûreté encore, Lotte les attendait à l'arrivée. Elle ne devait en aucun cas se montrer, même si Nanou ne l'avait jamais vue. Comme prévu, Lotte parvint à prendre le même bus. Nanou était nerveuse et Nanou se montrait un peu brutale avec Marie, mais finalement, tout s'est bien passé. Nanou a laissé Marie au jardin et s'en est allée, ne montrant guère d'affection pour mon petit ange, ce qui, je dois bien le dire, m'a fait un petit peu mal. J'avais eu raison de penser que pour elle, seul l'argent comptait. Pardon de vous interrompre, mais elle ne s'est vraiment pas montrée plus curieuse que cela. Non, mais je dois dire à sa décharge que je lui avais raconté qu'une tante viendrait récupérer Marie un peu plus tard. Que s'est-il passé ensuite ? Tout s'est déroulé selon nos plans. Marie a un peu joué avec les enfants du quartier, avant que quelqu'un ne remarque qu'il se passait quelque chose d'anormal et emmène Marie au commissariat. Vous avez tout de même eu beaucoup de chance. Je ne comprends pas comment Marie a pu se montrer aussi docile, parce qu'enfin, c'est de sa vie future qu'il s'agissait. Contrairement à Nanou, Marie n'était pas curieuse. Elle était vraiment très sage. Elle ne cessait de me demander pourquoi j'étais triste. Elle avait beau être petite, je suis sûr qu'elle comprenait la situation. Elle ne posait pas de problème. Elle n'était pas capricieuse. Bien au contraire, c'est elle qui me consolait. Elle ne chahutait pas. Comme le jardin était sur l'arrière et qu'il était entièrement clos, elle n'avait pas à constamment demander la permission pour jouer dehors. Elle était heureuse ainsi. La dernière nuit, je lui ai parlé avant de la coucher. Je lui ai expliqué que malgré tout mon désir, je ne pouvais pas la garder avec moi. Je lui ai dit que j'étais obligé de partir très loin et que nous n'allions plus nous voir. Elle a un peu pleuré, bien sûr, mais j'ai senti qu'elle essayait d'être brave, pour ne pas me faire plus de peine encore. Je me suis maudite intérieurement, car je savais exactement ce que j'étais en train de faire. Cet abandon était aussi odieux qu'impardonnable, et ma petite fille si jolie ne méritait certainement pas de subir un sort aussi misérable. Finalement, j'avais beau prendre des airs, je ne valais pas mieux que mon père, même si ma façon de faire était différente. J'étais incapable d'assumer ma faiblesse passagère. Je me faisais vomir. Tout ce que je pouvais espérer, c'est que Marie ne souffre pas trop par ma faute. Vous avez surtout eu de la chance qu'un homme la conduise assez vite au commissariat. Pardon de vous contredire, monsieur le commissaire, mais en l'occurrence, la chance n'a rien à y voir. Monsieur Flavin était une figure du quartier et Lotte l'avait croisé plusieurs fois au Luxembourg. Elle savait qu'il y venait tous les jours et qu'il avait pour habitude de faire son tour toujours sensiblement à la même heure. Lotte m'avait assuré qu'une petite fille bien mise, laissée toute seule dans un grand jardin comme le Luxembourg, finirait par attirer son attention à un moment ou à un autre, ce qui n'a pas manqué d'arriver alors même que pendant tout ce temps, Lotte gardait discrètement un œil sur Marie pour parer à toute éventualité. Qu'était-il prévu en cas de problème? Lotte devait la recueillir pour la nuit et la conduire à Saint-Vincent-de-Paul le lendemain. Bien sûr, la chose se serait alors révélée plus compliquée. Il aurait fallu donner quelques explications. Mais heureusement, tout s'est déroulé au mieux. Le juge Gerbier a accédé à mon désir sans même le savoir. Comment vous êtes-vous organisé par la suite? Lotte surveillait discrètement la cour de l'institution et me tenait régulièrement informé des progrès de Marie. Elle m'avait promis de m'écrire le plus souvent possible et elle a tenu parole. Afin de veiller au mieux sur Marie, elle a toujours refusé de trop s'éloigner du Luxembourg. Elle a occupé divers appartements rue de Vaugirard et il a bien fallu que son mari s'adapte à la situation, même s'il n'en comprenait pas bien le pourquoi. Vous avez eu de la chance d'avoir une amie comme elle. Pour cela, oui, elle ne m'a jamais trahi ni abandonné. J'étais si malheureuse de ne pouvoir la voir pendant toutes ces années. Elle a été si essentielle. Je lui dois une fière chandelle. Comment avez-vous fait pour avoir des nouvelles de Marie quand celle-ci a quitté l'institution Saint-Vincent-de-Paul? Je n'en ai pas eu pendant quelques mois, jusqu'à ce que l'OT m'apprenne que Marie avait été retenue pour une campagne publicitaire. Au début, je n'ai guère approuvé, car je me méfiais du milieu de la mode. Marie me paraissait si innocente. Et surtout, je ne voulais pas qu'elle se retrouve dans ma situation. Heureusement, cette fois encore, Josette Rosay veillait au grain. Vous me l'apprenez. Lotte, malgré toute son astuce, n'est jamais parvenue à apprendre comment l'affaire s'était faite.